Cependant, la jeunesse des campagnes, affolée par l'or et la gloire, promène au travers de la Suisse le carnaval de ces bandes masquées, vociférantes et sanguinaires. Ils sont allés à Berne et à Genève, compagnons de la folle vie, réclamer le trésor de Bourgogne.